بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On entame aujourd'hui, inshallah ta'ala, notre deuxième cours dans cette série très importante. Cette série de cours spécifiques aux femmes concernant les menstrues et les lochis. Et comme je l'ai dit au premier cours, on va s'appuyer, inshallah ta'ala, sur un écrit très important de Sheikh Al-Fawzan, Hafizahullah ta'ala, tanbihat ala ahkam takhtassu bil mu'minat. Et donc des règles concernant les croyantes. Il nous dit le Sheikh Al-Fawzan, Hafizahullah, wa yahrumu ala al-ha'idi massu al-mushafi min ghayri ha'ilin. لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. Il est interdit à la femme menstruée de toucher le mushaf sans qu'il y ait donc un élément entre sa peau et celui-ci. Et l'auteur, il se base donc sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, la yamassuhu illa al-mutahharun. Les seuls à pouvoir le toucher sont ceux qui sont purifiés. Premièrement, barakallahu fikoum, concernant la preuve citée par l'auteur. Il y a beaucoup de savants du tafsir qui nous disent que ce qui est voulu ici, ce n'est pas le mushaf, mais c'est al-lawh al-mahfouz, les tablettes protégées, les tablettes préservées. Pourquoi ? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit « Innahu la Qur'anun karim » Certes, c'est le noble Coran. « Fi kitabim maknoun » Donc, fi kitabin maknoun, dans un livre qui n'est pas accessible. Un livre qui va être caché. La yamassuhu illa al-mutahharun. Les seuls à pouvoir le toucher sont ceux qui sont purifiés. Donc ça, c'est concernant la première preuve que nous cite l'auteur, hafidahullah ta'ala. Et ensuite il nous dit walima fil kitab alladhi katabahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li amr ibn hazm la yamassu al mushaf illa tahir rawahu an-nasa'i wa ghayruhu wa huwa yushbihu al mutawatir li talaqqi an-nas lahu bil qabul. Et donc, et aussi en se basant sur l'écrit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a confié à Amr ibn Hazm. Et donc dans cet écrit, il est cité, et les seuls à toucher le mushaf, donc le seul à toucher le mushaf, est celui qui est pur, rapporté par Nasa'i et d'autres, et le Cheikh Al-Fawzan qui nous dit, et ce hadith, et donc, ressemble au mutawatir, le hadith donc qui est indéniable, tout simplement parce que, donc, les gens de science ont accepté ce hadith. Tayyib. Et donc, concernant ce hadith, barakallahu fikum, il faut savoir que les gens de science ont divergé concernant la signification, le sens de la pureté. Qu'est-ce qui est voulu par le mot pur ? Le seul à toucher le mushaf est celui qui est pur. Qu'est-ce qui est voulu par là ? Est-ce que ce qui est voulu par là, celui qui est pur, c'est celui qui est purifié de l'impureté majeure et mineure ? Et donc, à ce moment-là, effectivement, la femme ne peut pas toucher le mushaf lorsqu'elle a ses menstrues. Ou alors, même celui qui a perdu aussi ses petites ablutions. Une personne qui a eu un gaz ou autre ne peut pas non plus toucher le mushaf. Est-ce que c'est ça qui est voulu ? Ou alors, est-ce que ce qui est voulu par là, c'est celui qui est purifié de l'impureté majeure ? Celui qui est purifié de l'impureté majeure. C'est-à-dire que celui qui, par exemple, a juste perdu ses petites ablutions, celui qui a eu un gaz, ou celui qui a uriné, à ce moment-là, celui-ci, il peut toucher le mushaf. Pourquoi ? Parce que, selon cet avis, ce qui est voulu par là, c'est ce qui est voulu par la purification dans ce hadith, c'est celui qui s'est purifié de l'état d'impureté majeure. Donc même s'il est en état d'impureté mineure, il peut quand même toucher le mushaf. Ou alors, est-ce que ce qui est voulu par l'état de pureté, c'est la foi? C'est la foi, et donc à ce moment-là, le croyant peut toucher le mushaf, ou la croyante peut toucher le mushaf, même si ils n'ont pas même s'ils ont perdu leurs ablutions, mineures ou majeures. Et il y a certains savants qui ont opté pour cet avis. Parmi ces savants, il y a le Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui voit que l'avis le plus juste, c'est que ce qui est voulu par l'impureté, par la pureté ici, donc celui qui est pur, c'est le croyant. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, El mu'minu la yanjus. Le croyant n'est pas impur. Le croyant n'est pas impur. Et donc, il y a une grosse divergence entre les savants, entre les gens de science, concernant ce hadith. Est-ce que ce qui est voulu par la pureté, c'est être pur de l'état d'impureté majeur et mineur, ou alors seulement l'état d'impureté majeur, ou alors avoir la foi? Ensuite, il continue l'auteur. Il nous dit, « Qala Cheikh al-Islam, Nutaymiyyah rahimahullah, madhhabu al-a'immat al-arba'a, annahu la yamassu al-mushafa illa tahir. » Et donc, Cheikh al-Islam, Nutaymiyyah rahimahullah, il dit que l'avis des quatre écoles est que le seul à pouvoir toucher le mushaf est celui qui est pur. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, barakallahu fikum, ce sujet est un sujet de grosse divergence. Il y a un gros débat entre les savants concernant ce sujet. Et le plus sûr, ce que nous disons à nos sœurs, qui vont être touchées par les menstrues, est que le plus sûr est qu'elles ne touchent pas le mushaf sans avoir quelque chose qu'il y a entre elles et celui-ci, comme un gant ou autre, tout simplement pour sortir de cette divergence. Il continue le Cheikh Al-Fawzan, donc il aborde un deuxième sujet. Donc le premier sujet qu'on a vu, c'est le fait que la femme touche le mushaf pendant qu'elle est ses menstrues. Le deuxième sujet, wa amma qira'atul ha'idi lil Qur'an min ghayri massil mushaf fa hiya mahallu khilafin bayna ahli al-'ilm wal ahwat أنها لا تقرأ القرآن إلا عند الضرورة كما إذا خشيت نسيانه والله أعلم. Et donc là, le Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, Hafizahullah Ta'ala, en ce qui concerne le fait que la femme menstruée, la femme qui a ses menstrues, récite le Coran sans pour autant toucher au mushaf, alors ceci est un sujet de divergence entre les gens de science. Mais le plus sûr est que celle-ci ne récite pas le Coran, sauf quand il y a une nécessité, comme le fait qu'elle ait peur d'oublier le Coran. Wallahu a'lam. Et donc il faut savoir, barakallahu fikum, en ce qui concerne le fait de réciter le Coran par son cœur. Le fait de réciter le Coran par son cœur, sans prononciation. Alors, dans ce sujet, il n'y a pas de divergence entre les savants quant à la licéité de cela. Et donc, il est permis à la femme qui a ses menstrues de réciter le Coran, donc, dans son cœur, sans prononciation. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Le problème, la divergence, elle concerne le fait de réciter le Coran par la langue, le fait de prononcer. Et donc c'est là qu'il y a une divergence. Et en réalité, barakallahu fikum, il n'y a pas de réel dalil, il n'y a pas de réelle preuve qui montre l'interdiction. En réalité, il n'y a pas de réelle preuve qui montre l'interdiction à la femme qui a ses menstrues de réciter le Coran. Comme le dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah lui-même. Et si la femme, elle veut sortir de la divergence, alors, comme il le dit le Cheikh Al-Fawzan, elle ne récite que lorsqu'il y a une nécessité. Mais le problème, c'est quand elle a nécessité. Ici, par exemple, le Cheikh Al-Fawzan, il nous cite un exemple de nécessité. Il nous dit, lorsqu'elle a peur d'oublier le Coran. Elle a peur d'oublier, alors elle récite. Et donc, elle va réviser. C'est sa révision. Mais il y a aussi un point important, c'est la méditation du Coran. Le fait de lire le Coran, sans pour autant être en train de réviser, mais le fait de le lire pour méditer. Ça, c'est une nécessité qui est encore plus grande que la révision. Car la lecture et la méditation du Coran est quelque chose d'obligatoire. Il nous est obligatoire de méditer sur le Coran afin de pouvoir le comprendre et œuvrer avec. Et donc il n'y a nul doute qu'il y a ici aussi une nécessité pour la femme. Et certains vont faire la comparaison avec l'homme qui est en état d'impureté majeure. On va leur dire non, pas du tout. Il n'y a pas de comparaison à avoir. Pourquoi ? Parce que l'homme qui est en état d'impureté majeure, il va faire sa douche, il va faire son ghusl, et ensuite il peut réciter le Coran. Tandis que cette femme qui est en état de. Cette femme qui a ses menstrues, est-ce qu'on va lui dire de ne pas réciter le Coran pendant plusieurs jours comme cela ? Alors qu'elle en a besoin. Et donc le problème, il est là, barakallahu fikoum. Donc la vie la plus juste, comme il dit Cheikh Oulissan Moutemia, rahimahullah, est qu'il n'y a pas de réelle preuve qui montre l'interdiction. Notamment qu'il y avait beaucoup de femmes menstruées à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que si cela était interdit, alors le prophète l'aurait clairement montré. Il continue le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, il nous dit, yahrumu ala al-ha'idi at-tawafu bil-bayt. لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. Et il est interdit à la femme qui a ses menstrues de faire le tawaf autour de la maison sacrée, autour de la Kaaba. Ceci en se basant sur la parole du prophète صلى الله عليه وسلم à Aïcha lorsque celle-ci a eu ses menstrues. Il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, fais tout ce que le pèlerin va faire, sauf que tu ne vas pas faire le tawaf autour de la maison sacrée, jusqu'à ce que tu sois purifié de tes menstrues. Muttafaqun alayhi, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, il continue l'auteur, rahimahullah, il nous dit, wa yahrumu ala al-ha'id, al-lubthu fil masjidi. لقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب رواه أبو داود. Et donc là maintenant l'auteur il change de sujet. Donc aujourd'hui on a vu le fait que la femme elle touche le mushaf. On a abordé cette divergence. On a vu le fait que la femme récite le Coran. Le fait que la femme fasse le tawaf autour de la maison sacrée. La femme menstruée, bien entendu. Et maintenant, le fait que la femme qui a ses menstrues, elle reste à la mosquée. Ici, donc, l'auteur, il nous dit qu'il est interdit à la femme qui a ses menstrues de rester à la mosquée. Et ceci en se basant sur la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, certes, je ne permets pas à la femme menstruée, ni à celui qui est en état d'impureté majeure, de rester à la mosquée. Rapporté par Abu Daoud. Et en réalité, barakallahu fikoum, ce hadith il est faible. Parmi les savants qui l'ont jugé faible, il y a Al-Bayhaqi, ainsi que donc Ibn Hazm et d'autres. On a aussi Cheikh Al-Albani rahimahullah qui est en accord avec eux concernant le fait que ce hadith est faible. Le Cheikh Al-Fawzan il nous cite un deuxième hadith. وَقَوْلُهُ ainsi que sa parole. Donc, un deuxième hadith. Ainsi que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِحَائِدٍ وَلَا جُنُوبٍ. Rapporté par Ibn Majah. Donc, le premier c'était rapporté par Abu Daoud. Le deuxième par Ibn Majah. Certes, la mosquée n'est pas permise pour une femme menstruée ni un homme qui est en état d'impureté majeure. Ici, barakallahu fikoum, le Cheikh Al-Albani, il nous dit que ce deuxième hadith que le Cheikh vient de nous citer, il nous dit qu'il est rapporté par Ibn Majah. C'est le même hadith que le premier hadith que le cheikh il a cité, qui est rapporté par Abu Daoud. Il dit, c'est la même chaîne de transmission, avec la même, avec le même problème, c'est que dans cette chaîne de transmission, il y a donc une narratrice, c'est Jasra Bintou de Djaja, et le problème, il vient d'elle. Et il dit le shir que c'est cette même personne qui s'est trompée, et une fois, elle rapporte le hadith de Aïcha, et une autre fois, elle rapporte le hadith de Ummu Salama. Ce qui amène à penser que ce sont deux hadiths différents. Mais en réalité, c'est le même hadith, mais avec la narratrice qui s'est trompée, et une fois elle le rapporte d'un compagnon, et une autre fois elle le rapporte d'un autre compagnon. Et donc, les deux premiers hadiths que le cheikh elle nous cite comme preuve, en réalité c'est un seul hadith, et ce hadith est faible. Tayyib. Et donc le cheikh il nous dit, donc le cheikh il reste donc sur l'interdiction, le fait qu'il ait interdit à la femme de rester à la mosquée. Mais il nous dit, El mururu bil masjid min ghayri lubsin li hadith Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nawilini al khumra min al masjid fakultu inni ha'id faqala inna haydataki laysat biyadik. Et donc ici, il nous dit le cheikh que il est permis à la femme, cependant, même s'il ne lui est pas interdit, il ne lui est pas permis de rester à la mosquée, mais il lui est permis de traverser la mosquée. Il lui est permis de traverser la mosquée, tout simplement, donc sans pour autant y rester, et ceci en se basant sur le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de lui rendre un service qui nécessitait que Aïcha elle passe dans la mosquée. Mais Aïcha radhiyallahu anha, elle a dit, certes, j'ai mes menstrues au messager d'Allah. Certes, j'ai mes menstrues. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, inna haydataki laysat biyadik. Certes, haydatek, ici, ce qui est voulu ici, c'est le sang de tes menstrues. Certes, le sang de tes menstrues n'est pas dans ta main. Certes, le sang de tes menstrues n'est pas dans ta main. Et donc ici, on va avoir plusieurs interprétations. N'est pas dans ta main, ce qui est voulu ici, c'est que donc, ce n'est pas Aïcha, donc ce n'est pas parce que Aïcha a ses menstrues que ça veut dire qu'elle-même elle est impure, et donc que si elle touche quelque chose, cette chose-là devient impure aussi. Ou alors, il est voulu, tes menstrues ne sont pas entre tes mains. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui a déterminé cela. C'est un décret d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui accorde cela aux femmes parmi les descendants de Adam, et il n'y a pas de mal à ce que tu traverses la mosquée et que tu récupères cela. Et donc, voilà la preuve utilisée pour le cheikh Al-Fawzan pour dire qu'il est permis à la femme de traverser la mosquée même si elle ne peut pas y rester. Ici, avant de passer à l'autre sujet, le sujet des Askar, j'aimerais juste prévenir que l'avis le plus juste concernant ce sujet, concernant le fait que la femme, elle reste à la mosquée ou pas, l'avis le plus juste en réalité, c'est que cela est permis lorsqu'il y a une nécessité. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de preuve, qui montre l'interdiction. Ici, vous voyez que le cheikh Al-Fawzan, il a cité deux hadiths. En réalité, on a vu que c'est un seul et même hadith, et que ce hadith-là, il est faible. Il y a d'autres arguments qui ont été cités, et ces autres arguments, on les verra dans un autre écrit qu'on verra par la suite, inshallahu ta'ala, parce qu'il y a aussi un écrit très important du cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, sur le sujet des menstrues, des louchis, etc., qui va être un peu plus détaillé que celui qu'on est en train de voir ensemble. Et dans cet autre épître, là, on verra aussi d'autres arguments qui ont été cités par ceux qui disent que il est interdit à la femme de rester à la mosquée. On verra d'autres arguments, mais au final, ces arguments ne sont pas clairs. Ces arguments ne sont pas clairs. Il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de preuve claire qui montre qu'il est interdit à la femme de rester à la mosquée parce que là, c'est menstrue. Et donc, nous, ce qu'on va dire à nos sœurs lorsqu'elles ont leur menstrue, pourquoi est-ce que vous voulez aller à la mosquée ? Quelle est la nécessité ? Quel est le besoin ? S'il y a une nécessité, un cours ou autre, ou autre acte profitable pour monter la foi, pour apprendre sa religion, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais on ne va pas à la mosquée Si la sœur, elle veut aller à la mosquée juste pour faire ses askar, par exemple, on va lui dire, à ce moment-là, elle peut faire ses askar à la maison pendant qu'elle a ses menstrues. Pour sortir de la divergence, bien entendu. Mais sinon, en réalité, il n'y a pas de réelle preuve qui montre l'interdiction. Le cheikh, il nous dit, وَلَا بَأْسَ أَن تَأْتِي الْحَائِضُ بِالْأَذْكَارِ الشَّرْعِيَّةِ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ وَالْأَدْعِيَةِ وَأَن تَأْتِي بِالْأَوْرَادِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَشْرُوعَةِ فِي الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ عِنْدَ النَّوْمِ وَالْيَقْظَةِ. Et donc il nous dit ici le cheikh, Al-Fawzan Hafizahullah, il n'y a pas de mal à ce que la femme menstruée, donc, elle pratique les azkar, légiférés, tels que Et-Tahlil, ainsi que Et-Takbir, Et-Tasbih, et donc La ilaha illallah, ainsi que Allahu Akbar, ainsi que Tasbih Subhanallah, les invocations, il n'y a pas de mal à ce que la femme qui est ses menstrues invoque son Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala. Il n'y a pas de mal à ce que la femme qui est ses menstrues vienne avec les invocations légiférées, donc à faire le matin et le soir, et aussi au moment d'aller dormir et au moment de se réveiller. Et les autres invocations, lorsque on sort de la maison, lorsqu'on rentre à la maison, lorsqu'on mange, lorsqu'on boit, lorsqu'il pleut, etc., etc. Il n'y a pas de mal à ce que la femme qui est ses menstrues fasse ces invocations. Et d'ailleurs, on a dit que la vie le plus juste, wallahu ta'ala a'lam, est que il n'y a pas, en réalité, d'interdiction de preuves concrètes concernant le fait qu'elle récite le Coran. Donc le fait qu'elle invoque son Seigneur, il n'y a pas de mal non plus. Et pour finir le cours d'aujourd'hui, l'auteur qui nous dit, wa la ba'sa an taqra'a fi kutubi al-'ilm kat-tafsir wal-hadith wal-fiqh. Et il n'y a pas de mal à ce que la femme qui est ses menstrues, elle lise dans les livres de science, tels que les livres de tafsir, l'exégèse, le hadith ou la jurisprudence. Par rapport au Coran, ou du moins à la traduction du Coran qu'on va avoir en français, est-ce qu'il est permis à la femme menstruée, la femme qui a ses menstrues, de lire donc la traduction du Coran en français? Donc déjà, on avait aborder le sujet concernant la lecture du Coran directement en arabe, on a dit que la vie le plus juste, c'est que c'est permis. Et c'est qu'il n'y a pas d'interdiction, du moins. Et concernant le français, alors ce n'est pas le Coran. C'est la traduction. C'est la traduction des sens. La traduction des sens de ce qu'a compris le traducteur. Je précise. C'est la traduction des sens de ce qu'a compris le traducteur dans sa lecture du Coran. Et donc, est-ce qu'il y a du mal à lire cela? Non, il n'y a pas de mal, Inch'Allah ta'ala. Et d'ailleurs, la femme qui a ses menstrues, le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il nous dit, elle peut très bien toucher le livre qui contient la traduction du Coran, même s'il y a à côté l'original. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a une majorité, donc la majorité des paroles qui sont dans ce livre, donc tous les propos qui sont cités de son livre, dans ce livre, majoritairement ne font pas partie de la parole d'Allah Azza wa Jal. Il y a toutes les pages du Coran, effectivement, mais pour toutes les pages du Coran, il y a la traduction en français. Et aussi, derrière, il y a aussi l'introduction, il y a aussi ci, ça, et énormément d'éléments qui font que, au final, il y a plus de paroles d'êtres humains que de paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce livre. Le Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah, il nous dit, à partir de là, on ne peut pas dire que ce livre-là, c'est le Coran. C'est un livre dans lequel il y a, certes, oui, la parole d'Allah azza wa jal, mais majoritairement, c'est la parole d'un être humain. Il y a la traduction, il y a l'introduction, il y a le sommaire, il y a les droits, etc., etc., etc., etc. Donc, par rapport à cela, il n'y a pas de mal à lire la traduction du Coran, inshallah ta'ala. On va arrêter là pour aujourd'hui. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.